فنبدأ درسا في منظومة كتبها الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وهذه المنظومة تسمى بالميمية في النصائح والآداب العلمية أو في الوصايا والآداب العلمية. Donc nous commençons l'explication d'un poème de Cheikh Hafiz al-Hakami, rahimahullah, un poème intitulé Mimiya, la Mimiya, qui est un poème dans les conseils et les comportements que doit avoir yani, celui qui veut apprendre la science. وشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله كان من كبار علماء المملكة العربية السعودية، وكان في منطقة الجنوب، منطقة جيزان. Donc le Cheikh Hafiz ibn Ahmed al-Hakami faisait partie des grands savants de l'Arabie Saoudite et il vivait dans le sud de l'Arabie, dans la région qui s'appelle Jizan. وقد أوتي رحمه الله قوة في الحفظ وفي الفهم. Allah SWT avait donné à cet homme une force dans la mémorisation et dans la compréhension. فحفظ القرآن في شهر واحد. Il a mémorisé le Coran en un seul mois. كان يحفظ حزب في الصباح بعد الفجر وحزب بعد الظهر فيكمل الجزء في يوم واحد. وهكذا وهذا كان في شهر رمضان. Donc il apprenait un hizb le matin après le fajr et un hizb après le dhuhr. وهذا يحكيه لنا شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي وهو من تلاميذ الشيخ حافظ الحكمي. الشيخ محمد بن هادي المدخلي est un élève des élèves de Cheikh Hafiz al-Hakami. فإن من تلاميذ الشيخ حافظ الحكمي الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي والشيخ زيد ابن هادي المدخلي وغيرهم. Donc parmi les élèves de Cheikh Hafiz al-Hakami, الشيخ ربيع il y a Cheikh Zayd al-Madkhali. Wa min aqranihi Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah fa kana zamilahu fi at-talab. Et le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah était le collègue de Cheikh Hafiz al-Hakami dans l'apprentissage de la science. Wa kanu talab al-ilm ala yad al-Sheikh الداعية الجنوب عبد الله القرعاوي رحمه الله. Ils ont étudié chez le Cheikh عبد الله القرعاوي qui était un da'i que le mufti de l'époque Cheikh Mohamed ibn Ibrahim Ali Sheikh رحمه الله avait envoyé dans le sud de l'Arabie Saoudite pour faire la da'wa. فتتلمذ عليه الشيخ أحمد النجمي وشيخ حافظ الحكمي وغيرهم وغيرهم عفوا. Donc Cheikh Ahmed al-Najmi et Cheikh Hafiz al-Hakami ont étudié chez ce Cheikh qui s'appelait Cheikh Abdullah al-Qarawi. Donc ils étaient tous les deux donc des contemporains. Fa Cheikh Abdullah al-Qarawi ja'ala مسابقة بين تلاميذه. Cheikh Abdullah al-Qarawi a fait un concours entre ses étudiants. فطلب منهم أن يحفظوا القرآن في شهر رمضان. كان هذا في شهر رمضان. Donc ceci était dans le mois de Ramadan. Et le cheikh Abdullah Al-Qaraoui donc a voulu tester ses étudiants et qui étaient jeunes. Et donc il leur a demandé d'apprendre le Coran ou ce qu'ils peuvent du Coran pendant le mois de Ramadan. فشيخ أحمد النجمي يقول أن في اليوم الأول من رمضان حفظ الشيخ حافظ حزب بعد الفجر وقرأه على شيخه وهو الشيخ أحمد النجمي قال وأنا حفظت نصف حزب. Donc Cheikh Ahmed Adjmi raconte et il dit que donc le premier jour, Cheikh Hafiz a appris après le Fajr un hizb. Il dit quant à moi, j'ai appris la moitié d'un hizb après le Fajr. Puis nous l'avons lu sur notre shir. Wa ba'd adh-dhuhr hafiz Cheikh Hafiz hizban akhar. Wa ana hafiztu nisfu hizb. فكملت الجزء لا عفوا فكملت الحزب وهو كمل الجزء. Donc après cela, après le dhuhr, Cheikh Hafiz al-Hakami a pris donc le deuxième hizb alors que Cheikh al-Najmi a complété son premier hizb. Donc yani Cheikh Hafiz al-Hakami dans le premier jour a mémorisé deux hizb alors que Cheikh al-Najmi a mémorisé qu'un seul hizb. وبالليل كان الشيخ حافظ الحكمي يصلي بالناس التراويح بالحفظ الذي حفظه في الصباح والمساء. هذا في اليوم الأول. اليوم الثاني نفس الحكاية. حفظ الشيخ حافظ بعد الفجر حزب وبعد الظهر حزب. والشيخ أحمد النجمي حفظ نصف حزب ونصف حزب. فكمل الجزء وهو شحافظ على جزئين. Donc le deuxième jour c'est fut la même chose. Chahafiz al-Hakami a pris un hizb après le fajr et un hizb après le dhuhr alors que Cheikh al-Najmi a pris la moitié d'un hizb le matin et la moitié d'un hizb l'après-midi. Donc là il avait deux longueurs d'avance alors que Cheikh al-Najmi avait mémorisé un juz, c'est-à-dire deux hizb. Lui, Cheikh Hafiz al-Hakami, avait mémorisé déjà quatre hizb. Wa al-yawm al-thalith nafs al-hikaya. Fa al-yawm al-thalith lamma ja'u ila shaykhihim yusammi'una lahu ma hafizu. Qala Cheikh al-Najmi, ya Cheikh, ana la sati an atanafas ma'a hadha. Cheikh al-Najmi, le troisième jour, voyant que Cheikh Hafiz avait déjà appris six hizb, et lui, il en était à trois hizb, il a dit, ya Cheikh, moi, je peux pas faire concurrence avec lui. Fa tarakahu athna al-shahr, wa Cheikh Hafiz al-Hakami kammala al-Qur'an fi shahrin wahid, fi shahri Ramadan, wa kana yusalli bin nas al-tarawih. فهذا يدل على قوة حفظه وكذلك من اللطائف في هذا également aussi parmi les choses qu'on peut citer sur Cheikh Hafiz al-Hakami أنه نسخ كتاب خلق أفعال العباد في ليلة واحدة. Il a recopié un livre entier qui au jour d'aujourd'hui vous le trouverez dans des maktabat en deux volumes, un livre entier qui est Khalq Af'al al-Ibad de l'imam al-Bukhari. Cheikh Hafiz al-Hakami nasakhahu fi layla nazala fi Makkah li ada'i al-Umra ma'a akhihi Muhammad ibn Ahmed al-Hakami. Falamma addaw al-Umra ba'd al-Isha zaru ahad al-Mashayikh fi Makkah. Donc ils étaient descendus avec lui et son frère, Cheikh Hafiz et son frère Mohamed. Ils étaient descendus à Mecca pour faire une Umrah. Et après l'Isha, une fois qu'ils ont fait leur Umrah, ils ont été visiter un shir qu'il y avait à Mecca à l'époque. لما وصلوا عند الشيخ، الشيخ هذا قال لهم: وصلني الآن أول طبعة لكتاب خلق أفعال العباد. Il leur a dit, il m'a été apporté la première édition du livre Khalq Af'al al-Ibad de l'imam al-Bukhari. Fashir Hafiz ista'zana min al-Sheikh an yasta'ira minhu al-kitab li yansakhahu. Donc Sheikh Hafiz il a demandé donc à ce cheikh de lui prêter le livre afin de le recopier. Wa cheikh qala lahu tastati' an tansakhahu fi layla? Tu vas pouvoir le recopier en une seule nuit? Fa qala lahu cheikh Hafid insha Allah. Cheikh Hafid a dit: oui, insha Allah, j'y arriverai. Fa akhadha al-kitab wa dhahaba ila al-Masjid al-Haram wa akhuhu وأخوه يقوم الليل وهو ينسخ الكتاب حتى إذا أذن الأذان الأول قبل الفجر بساعة وهو يكتب وصلى الله على نبينا محمد تم نسخ هذا الكتاب. Jusqu'à ce que, donc pendant toute la nuit, il a recopié le livre jusqu'au premier adhan qu'il y a une heure avant la prière de l'Fajr à Mecca. Et c'est là où il avait terminé de recopier ce livre. ذهب يتوضا وصلى الوتر وصلوا الفجر ثم ذهبوا الى الشيخ واعاده الكتاب. Puis il a rendu le livre au cheikh après le fajr en lui disant: alhamdulillah, nasakhtu al-kitab. Alhamdulillah, j'ai recopié le livre. Akhuhu لأن الشيخ يعني سأله عن بعض مقاطع الكتاب. Le cheikh a questionné Cheikh Hafiz sur certains passages du livre. Wa Cheikh Hafiz يذكر المقاطع. أو عفوا قبل هذا الشيخ تعجب قال: نسخته في ليلة؟ قال: نعم. Donc le cheikh lui a dit: tu l'as recopié en une seule nuit? Et Cheikh Hafiz a dit: oui. وأخوه محمد قال للشيخ: ولو سألته هل حفظ الكتاب لما استبعدت هذا. Et si tu lui demanderais même est-ce qu'il a appris, est-ce qu'il a mémorisé le livre, ça ne m'étonnerait pas. فسأله الشيخ في عن بعض مقاطع الكتاب فأجاب الشيخ حافظ وكمل نعم ما كان يقرأه الشيخ فيفهم من هذا أنه حفظ الكتاب في ليلة واحدة كتاب في مجلدين نسخه وحفظه في نفس الوقت. Dans une seule nuit, Cheikh Hafid al-Hakami a recopié ce livre qui comprend deux volumes. Un seul volume est plus gros que cela. Deux volumes comme ça. Cheikh Hafiz l'a recopié et l'a mémorisé. فهذا يدل كذلك على قوة حفظه وسرعة خطه. Et ceci prouve donc sa force et sa puissance dans la mémorisation et la rapidité de son écriture. وشيخ حافظ الحكمي رحمه الله له مؤلفات عديدة. Il a beaucoup d'écrits. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. منها منظومات ومنها منثورات. نعم. Il y a des livres qui sont faits sous forme de poèmes. Il écrit des livres sous forme de poèmes et d'autres sous forme de textes normal. فله مؤلفات في العقيدة وله مؤلفات في الفقه وله مؤلفات في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وفي السيرة النبوية و وفي النصائح والآداب وفي النسخ وغيرها. Il a écrit dans tous les domaines de la science religieuse, dans la aqida, dans le fiqh, dans les fondements du fiqh, dans la science du hadith, dans la vie, la biographie prophétique et dans les conseils. إذن هذه المنظومة في الآداب العلمية من أجمل المنظومات في الآداب. Donc ce poème que nous allons étudier fait partie des meilleurs poèmes qu'il y a dans les conseils à l'étudiant, celui qui veut apprendre la science. فنبدأ ويقول الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم. يعني je pense pas que vous avez compris grand chose إلا من رحم الله. فنبدأ في الشرح فيقول الشيخ رحمه الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. Donc il dit louange à Allah, le Seigneur des mondes, pour ses bienfaits. Et il est celui qui est digne de louange et celui qui détient les bienfaits. Bada rahimahullah bihamdillah wa thana'i alayh. سبحانه بما هو أهله والبدء بحمد الله أمر درج عليه أهل العلم تأسيا بكتاب الله وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ورسائله. Donc le cheikh a commencé son poème par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, yani, en prenant comme exemple là-dedans le Coran qui a commencé par Alhamdulillahi Rabbil Alamin et par exemple aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui commençait ses discours par Alhamdulillah. Donc l'auteur a commencé par Alhamdulillah dans le suivi du Coran et dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma yaqul ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم فذكر أوصافا لله عز وجل وأنه ذو الملك. Donc il a cité ensuite des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi lesquels le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient la royauté et qu'il est l'unique. Celui qui se passe de tout. Et celui qui a créé la création à partir de rien. Man 'allama an-nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani antaqahum wal khatt bil qalam. هذه اوصاف لله عز وجل كذلك. وانه علم الناس او أفعال من أفعال الله عز وجل أنه علم الناس ما لا يعلمون. Donc Allah a enseigné aux gens ceux qu'ils ne connaissaient pas. وَقَدْ جَاءَ فِي الْآيَةِ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne connaissiez rien, et il vous a attribué l'ouïe, la vue et les cœurs. Peut-être serez-vous reconnaissant. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية أن الإنسان يولد جاهلا لا يعلم شيئا ثم الله سبحانه وتعالى أعطاه آلات العلم وهي السمع والبصر والفؤاد فخص الله تعالى هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها لأنها مفتاح كل علم لأنها مفتاح كل علم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que l'être humain n'est que l'être humain n'est ignorant, puis Allah lui a donné l'ouïe et la vue qui sont les outils par lesquels la personne va apprendre. L'ouïe, la vue et les cœurs. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. L'ouïe, la vue et les cœurs. Car par l'ouïe, tu entends l'ilm. Liana bissam, tasma'u l'ilm, tasma'u l'Qur'an, wa tasma'u l'ahadith, wa tasma'u kalama ahli l'ilm. Hein, avec ton ouïe, tu entends la parole d'Allah, le livre d'Allah, tu entends les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu entends les paroles des savants. Wabil basar, taqra'u al-Qur'an, wa taqra'u al-ahadith, wa taqra'u kutuba ahli al-ilm. Et par la vue, tu vas lire le Qur'an, et tu vas lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu vas lire les livres des savants. فهذان آلتان يدخل منها العلم. Donc ce sont deux outils, l'ouïe et la vue, ce sont deux outils par lesquels la science va entrer en toi. ثم يقر العلم أين في الفؤاد في القلوب فيستقر إذا حفظت إذا قرأت وسمعت وحفظت بقي علمك في قلبك. Donc, puis après cela, une fois que tu as lu, tu as écouté, tu as mémorisé, et la science va donc rester et s'installer dans ton cœur. C'est ici que reste la science, c'est dans le cœur. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, après avoir cité qu'il a fait sortir l'être humain ignorant, il l'a fait naître alors qu'il était ignorant et ne connaissait rien. Après avoir cité cela, Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces trois organes qui sont l'ouïe, la vue et les cœurs. Pourquoi ? Parce que ce sont les outils par lesquels la personne va apprendre la science. Et c'est pour ça qu'à la fin du verset, il dit « La'allakum tashkurun ». Kayfa nashkuruhu bi anna ta'allam al-ilm. Comment nous allons être reconnaissants vers Allah subhanahu wa ta'ala pour ces organes qu'il nous a accordés ? En apprenant la science. وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم والله سبحانه وتعالى أنطق الإنسان بالبيان علمه البيان كما قال الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. نعم علمه البيان. فالله سبحانه وتعالى علم الإنسان البيان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à l'homme, نعم, la manière de la manière de s'exprimer. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à l'homme la manière de s'exprimer. Allamahu al-bayan. Kayfa yantiq, kayfa yatakallam. Kalaman wadihan. Comment la personne va parler et s'exprimer clairement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a enseigné à l'homme. Comme dans le verset de sourate Ar-Rahman que j'ai cité précédemment. Falidhalika qala an-nazim, et c'est pour cela que le cheikh dit dans son poème وبال بيان انتقهم يعني انتقى الانسان او انتقى الناس بالبيان. نعم, il leur a enseigné, il leur a appris comment s'exprimer clairement. والخط بالقلم, il leur a enseigné aussi comment écrire. نعم, والخط بالقلم كما في سوره العلق اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نعم, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir de العلق, qui est un des stades de la création. Lis, et ton Seigneur est certes le plus noble, celui qui a enseigné par la plume, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Enfin, il a enseigné, Allah subhanahu wa ta'ala, allama al-insan al-kitab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à l'homme comment écrire. Il a enseigné à l'homme l'écriture. ولذلك بدأ المصنف أو الناظم نظمه بهذه الأشياء وهذا يسمى براعة الاستهلال. Ça, ce que l'auteur a fait dans son poème là, en citant ces choses-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, et il lui a appris comment s'exprimer clairement, et il lui a enseigné l'écriture. Ceci en arabe, on appelle ça bara'atu al-istihlal. Bara'atu al-istihlal, c'est-à-dire, c'est une manière d'entrer en matière. Comment parfaire l'entrée en matière. Avant que tu rentres dans le vif du sujet que tu veux traiter, tu vas faire une introduction qui laisse sous-entendre le sujet duquel tu vas parler. Wa hakadha al-insan, al-khatib, عندما يخطب عادة يقدم بمقدمة تنبه المصلي تنبه المصلون أو المصلين عفوا على ما سيكون موضوع الخطبة. Donc de la même façon, celui qui fait le prêche du vendredi, en général, il fait une petite introduction dans sa khutbah, dans son prêche, qui va laissez sous-entendre de quoi il va parler dans sa khutbah aujourd'hui. فهذا يسمى بالعربية براعة الاستهلال. طيب. ثم قال الشيخ ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. Puis il a prié donc, puis que la prière soit sur celui qui a été choisi, le plus noble de celui qui a été envoyé, le plus noble des envoyés. Que la prière soit sur celui qui a été choisi, le plus noble des envoyés, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé avec la meilleure des guidées, dans la meilleure des communautés. Yana hadhi l'umma khayrul umam. Car cette communauté, la communauté musulmane, car la communauté musulmane est la meilleure des communautés. كما قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Puis Allah explique pourquoi. Il dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. فَخَيْرِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ بِسَبَبِ أَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِيمَانِهِمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلِ. فلما كانت هذه الأمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر مؤمنة بالله كانت خير الأمم. وإذا تركت هذه الأمة إحدى هذه الثلاثة الأمور تنتفي عنهم هذه الخيرية. Donc cette communauté musulmane, elle a été favorisée par Allah subhanahu wa ta'ala et elle a été la meilleure des communautés car elle ordonne le bien, elle interdit le blâmable, elle interdit le mal et elle croit en Allah. Ce sont les trois choses qui font que cette communauté est la meilleure des communautés. Parce qu'ils ordonnent le bien, les musulmans sont les meilleurs car ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal et ils croient en Allah. Et si jamais les musulmans délaissent une de ces trois choses, alors ils ne seront plus considérés comme étant les meilleurs. Car Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché le mérite de cette communauté à ces trois choses-là. L'ordonnance du bien, l'interdiction du mal et la foi, la croyance. Donc les musulmans doivent appliquer ces choses-là et ne doivent pas les délaisser. Al-amr bil ma'ruf. Le fait d'ordonner le bien. Idha ra'ayta akhaka naqisan fi ba'd fi ada' ba'd al-wajibat, amartahu bil ma'ruf wa bi ada'iha. Si tu vois que ton frère a des manquements dans l'application de certaines obligations, tu dois lui demander, tu dois l'appeler et lui dire de les faire. وإذا رأيته واقعا في منكر نهيته عنه. Et si tu vois qu'il tombe dans un péché, dans quelque chose de mal, tu dois lui interdire et lui dire de ne pas faire cette chose-là. أما إذا سكت فينتشر الشر. Et par contre, si tu te tais et que tu ne lui ordonnes pas le bien, tu ne lui interdis pas le mal, eh bien le mal se répand. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, si les gens voient le mal et qu'ils ne l'interdisent pas, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va les englober tous d'un châtiment venant de sa part. الذي كان يفعل المنكر والذي سكت عن المنكر كلاهما يعمهم العذاب. Donc celui qui faisait le péché, mais aussi celui qui se taisait sur le péché et qui le laissait se faire, tous ceux-là seront pris dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Et les seuls qui seront sauvés de ce châtiment, ce sont ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal. كما قال سبحانه الآية وما كان الله ليعذب قوما وهم مصلحون ومنهم مصلحون. نسيت الآية عفوا. في هنا هذه الآية لكن فيها آية مع المصلحين. إلا وأهلها مصلحون. المهم bref, dans un verset Allah سبحانه وتعالى nous informe. يخبرنا الله عز وجل في آية من كتاب الله أنه لا يعذب قرية فيها مصلحين أو فيها مصلحون. Donc Allah سبحانه وتعالى dans un verset du Coran nous informe qu'il ne châtie pas, qu'il ne châtie pas un peuple dans lequel il y a des gens qui ordonnent le bien qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Allah ne châtie pas un peuple dans lequel il y a des gens qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Fal muhim, هذه الأمة هي خير الأمم. ثم قال الناظم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. هذا معطوف على المختار الذي ذكر قبل قليل وهو دعاء كذلك بالصلاة على هؤلاء. Donc de la même façon qu'après avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur prie sur ces gens-là qui sont la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous ceux qui suivent ces gens-là convenablement jusqu'au jour dernier. ما لح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم. يعني هذه الصلاة ما دام يظهر النجم وتطلع الشمس وعد أنفاسي ما في الكون من نسمي. يعني autant de fois, نعم, يعني autant de que les prières sur le prophète, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent les compagnons, نعم, durent autant qu'il y aura des étoiles et que le soleil se lèvera, et autant de fois que il y a des que une personne qui a une âme, une chose qui a une âme, respire. المهم هذا أسلوب عربي. Donc ça c'est une figure de style arabe. لا نتعمق في ذلك. Nous n'allons pas rentrer en profondeur là-dedans. ثم قال بعد ذلك وبعد من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيمي وحث ربي وحض المؤمنين على تعلم الدين أو تفقه الدين مع إنذار قومهم وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. يكفيك من ذاك أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم. Donc ensuite le cheikh dit, là maintenant il rentre dans le vif du sujet qui est donc sa son poème, donc dans les conseils au talib al-ilm. فبدأ بذكر فضل العلم. Donc il a commencé en citant le mérite de la science. Et il dit من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. Donc il cite, il dit celui à qui Allah veut du bien, eh bien il lui enseigne la religion. Il lui enseigne la religion droite. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Quiconque à qui Allah veut du bien, quiconque à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion, il lui donne la science dans la religion, il lui donne la connaissance de la religion. فترون كيف استطاع الناظم رحمه الله ان ياخذ هذا الحديث ويجعله في نظمه كأنك تقرأ الحديث. لأنه قال وبعد من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. والحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين عفوا. Donc l'auteur avait, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une faculté à prendre des textes, que ce soit des versets du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à y réussir à les rentrer dans son poème, tel quel. Yani, min karamati Allahi lahu. Ceci est un miracle qu'Allah lui avait accordé. Il avait une facilité à prendre des versets et des hadiths et à les rentrer dans son poème tel quel. Dans ses poèmes tels quels. Et vous allez voir ceci lorsque nous allons lire ce poème. Donc, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. فالفقه في الدين لا تفهم منه الفقه فقط علم الفقه فقط لكن الفقه في الدين الفقه في أصول الدين وفي فروع الدين يعني lorsque les savants utilisent le terme la connaissance de la religion ou la compréhension de la religion, ceci n'implique pas simplement la science du fiqh, mais ça englobe les bases de la religion et les branches de la religion. Ilm al-aqida wa ilm al-fiqh. La science de la croyance authentique et la science du fiqh, qui est la science qui est traduite par jurisprudence à tort. C'est mon avis sur la question que le fait de traduire le mot fiqh par jurisprudence est une erreur. Wallahu alam. Car en revenant au dictionnaire français, nous voyons que le terme jurisprudence est un terme de droit. C'est un terme qui est utilisé dans le droit et qui est donc qui a trait au domaine juridique uniquement. Qui n'a attrait qu'au domaine juridique et dans les tribunaux. Qui n'est utilisé que par rapport aux tribunaux, dans les conflits et litiges. Lorsqu'un juge émet un jugement, puis que ce jugement est considéré après cela comme une base vers laquelle les autres juges vont revenir, ils appellent cela, le premier jugement, qui est devenu une base, ils l'appellent jurisprudence. Ce jugement a fait jurisprudence. C'est ça, à la base, le terme jurisprudence. Amma al-fiqh, quant au fiqh, c'est une science qui n'a pas attrait que simplement aux litiges et aux conflits entre les gens. Lakin, el fiqh, mais au contraire, le fiqh comprend et parle, ou traite plutôt, de l'ibada, l'ibadat. Le fiqh, ça parle de quoi? Des adorations. Entre toi et ton Seigneur. Et le fiqh traite des relations familiales, mariage, divorce, etc. Et le fiqh traite des transactions commerciales. Et le fiqh traite de tout ce qui a trait à al-at'ima wal-ashriba, la nourriture et la boisson, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Wa ghayri dhalik mimma ishtamala alayhi 'ilmu al-fiqh. Fa 'ilmu al-fiqh ashmal mimma yaqa fi al-mahakim. Donc la science du fiqh, elle est plus large que ce qui se passe simplement dans les tribunaux. C'est pour cela que je vois que le terme fiqh ne doit pas être traduit par jurisprudence, mais on le garde tel quel. On dit le mot fiqh, et les gens de façon générale connaissent, ils savent ce qu'est le fiqh, et s'ils ne connaissent pas, on leur explique que le fiqh, la définition que les savants ont donnée du fiqh, le fiqh huwa al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyah al-'amaliyyah al-muta'alliqa bi af'al al-'ibad min adillatiha at-tafsiliyyah. Donc le fiqh est une science qui a attrait, est une science qui a trait, le fiqh est une science qui a trait aux règles se rapportant aux actes des créatures. Que ce soit des actes entre eux et leur créateur, ou des actes les uns envers les autres. Naam. Idhan, الفقه في الدين يشمل الفقه في العقيدة والفقه الذي هو الفقه علم الفقه. Donc la compréhension de la religion comprend ces deux choses-là, la compréhension de la croyance et la compréhension du fiqh. Donc celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui enseigne. Et il lui donne la connaissance de la religion. Il lui enseigne la croyance authentique. Il lui enseigne les adorations correctes. Il lui enseigne les règles par rapport aux transactions commerciales, par rapport aux relations familiales, par rapport aux relations internationales, etc., etc. وقد قال الشيخ بن باز رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث بعد أن ذكر هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال الشيخ بن باز رحمه الله ومن لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين دل على من لم دل على أنه من لم يفقه الدين لم يريد الله به خيرا. الشيخ بن باز disait ce hadith, qui dit donc, quiconque à qui Allah veut du bien, il lui donne la connaissance de la religion, ce hadith prouve que celui qui ne connaît pas la religion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu de bien pour lui. فَلِذَلِكْ اِحْرِسْ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ. C'est pour cela que tu dois t'efforcer d'apprendre la science. لِأَنَّ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سهل الله له به طريقا الى الجنه. Quiconque emprunte un chemin pour apprendre la science, Allah lui facilite un chemin pour entrer au paradis. كلما اجتهدت في طلب العلم كلما يسر الله لك دخول الجنه. Plus tu vas t'efforcer d'apprendre la religion, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter l'entrée au paradis. ثم قال الناظم وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع انذار قومهم. Et mon Seigneur a encouragé les croyants. L'auteur dit, mon Seigneur a encouragé les croyants à apprendre la religion et à avertir leur peuple. Tafaqquhiddin ma inzari qawmihim. Wa hadha fi al-aya ma'khudh min al-aya. Wa ma kana al-mu'minuna linfiru kaffa. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi al-din. نعم تفقه الدين يتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم تفقه الدين مع إنذار قومهم ليتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, les croyants n'ont pas tous à quitter leur foyer, yani pour aller au combat. Pourquoi de chaque tribu ou pourquoi de chaque clan n'y aurait-il pas des hommes qui viennent apprendre la religion pour ensuite avertir leur peuple lorsqu'ils retournent vers eux? Peut-être craindront-ils Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a encouragés à aller apprendre la science et à retourner vers nos peuples pour faire la da'wa, pour propager cette science que nous avons apprise. فلا لا يقتصر طالب العلم على نفسه. L'étudiant en science ne doit pas se contenter et se limiter à apprendre juste pour lui. لكن عليه واجب التبليغ والبيان. Mais il est une obligation pour lui de quoi? De transmettre et d'expliquer aux gens ce qu'il a appris. وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر اكبر النعم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, l'auteur dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a cité, a fait rappeler aux créatures et aux prophètes le bienfait de la science qu'il leur a accordé. Alors l'auteur te dit, le cheikh te dit, donc rappelle-toi du plus grand bienfait, qui est le bienfait de la science. كل الرسل الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بالعلم الله سبحانه وتعالى leur a accordé la science, tous les prophètes et également les créatures, Allah سبحانه وتعالى leur a enseigné des choses. Donc sois reconnaissant envers Allah سبحانه وتعالى pour ce qu'il t'a enseigné. وحمد الله تعالى على العلم وحمد الله تعالى على نعمة العلم تكون بثلاثة أمور. Le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de la science se fait par trois choses. Il faut faire trois choses pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de la science. Al-oula, an yuhfaz hadha al-ilm. Que cette science soit mémorisée et préservée. Que cette science soit mémorisée et préservée. وَحِفْذُ الْعِلْمِ تَكُنْ بِتَرِيقَتَيْنِ. Et la préservation de la science, elle est de deux types. حِفْذٌ فِي الصُّدُورِ, une préservation dans les cœurs, qui est par la mémorisation. هذا الطريق الأولى. هذه الطريق الأولى حفظ العلم في الصدور, dans les poitrines, dans les cœurs. La préservation de la science dans les cœurs, c'est-à-dire par la mémorisation. والطريقة الثانية حفظ في السطور حفظ في الصدور وحفظ في السطور. Donc une préservation, le deuxième type, c'est la préservation de la science dans les lignes, c'est-à-dire par l'écrit, à l'écrit. Donc la préservation de la science, on dit par l'écrit, à l'écrit. Ce sont les deux moyens par lesquels la science est préservée. حِفْظٌ فِي الصُّدُورِ, la mémorisation dans le cœur. وَحِفْظٌ فِي الصُّدُورِ, c'est-à-dire la préservation par l'écrit. فَهَذَا هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ الَّذِي بِهِ يُحْمَدُ اللَّهِ عَلَى نِعْمَةِ الْعِلْمِ أَنْ يُحْفَظْ هَذَا الْعِلْمِ. Donc ça c'est le premier moyen par lequel on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on est reconnaissant envers lui pour le bienfait de la science, c'est-à-dire en préservant cette science. ثانيا أن يعمل به. Deuxièmement, en appliquant cette science. La reconnaissance, être reconnaissant envers Allah pour la science, par le bienfait de la science, se fait par la pratique de cette science. ثالثا ألا تنطق ولا تكتب إلا بالصالح النافع لك ولغيرك. Le troisième moyen par lequel on est reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième moyen par lequel on est reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de la science, c'est de dire, ou plutôt, c'est que tu n'écrives et tu ne prononces de ce que tu as connu de la science que ce qui est authentique et bénéfique pour toi et pour les autres. Lorsque tu vas lire des livres, tu vas tomber sur des choses, des fois ce sont des erreurs. Soit la personne a fait exprès de faire cette erreur, auquel cas, Naam, on ne prête pas attention à lui et on met en garde contre lui, ou soit il n'a pas fait exprès et à ce moment-là, يقال إنه أخطأ ويحسن الظن به. S'il n'a pas fait exprès, Naam, on dit que ceci est une erreur et on préserve son honneur et on dit que on pense du bien de cette personne-là car il n'a pas fait exprès de tomber dans l'erreur. Naam. Falmuhim, lorsque tu vas lire des livres de science, ce n'est pas tout ce qui est dans les livres qui est authentique. وانت تتعلم هذه الكتب وتقراها. Et toi tu vas lire ces livres et tu vas les étudier. فبعد ان تعلمت هذه الكتب وقراتها لا تنطق ولا تكتب اذا كتبت كتبا الا ما هو نافع صحيح. Donc tu ne devras écrire, une fois que tu as étudié ces livres là tu ne dois écrire, si tu dois écrire des livres, ou prononcer si tu dois faire da'wa, que ce qui est authentique et ce qui est bénéfique. Ce sont deux choses qu'il faut prendre en considération. Que ce soit d'une authentique, mais également que ce soit bénéfique. Il y en a بعض الأمور صحيحة لكن لا نفع فيها للناس لا فائدة للناس من ذكرها لأنه قد يترتب عليها مفاسد كبرى. Donc il y a des choses qui peuvent être authentiques, mais il ne fait pas partie de la sagesse de les prononcer et de les propager en raison des mots qu'ils peuvent s'en suivre. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول حفظت وعاءين من العلم أما أحدهما فبثثته في الناس وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا الحلقوم. أبو هريرة رضي الله عنه disait: j'ai appris deux grands récipients de science. Quant au premier, je l'ai répandu et je l'ai propagé, je l'ai transmis aux gens. Le premier récipient de science, je l'ai transmis aux gens. Et quant au deuxième récipient, si je l'aurais propagé, on m'aurait coupé la tête. وأهل العلم قالوا إن هذا فيما يتعلق والله أعلم بالملوك الظلمة الذين سيأتون في الأمة ومثل هذه الأمور من الفتن التي تقع بين الأمة. نعم. Et beaucoup de savants ont expliqué, ont dit que ce deuxième récipient qu'il n'a pas propagé, c'est ce qui concerne les noms, hein, des gouverneurs qui vont venir, qui seront injustes dans la communauté et des troubles qui toucheront la communauté. Naam. Donc Abu Huraira a vu par sa sagesse qu'il était préférable de ne pas propager ces choses-là. وكذلك حذيفة بن اليمان. Et de la même façon, حذيفة بن اليمان lui aussi avait caché des choses. Il a caché des choses لا خوفا على نفسه أو لكن خوفا على الأمة من أن تضيع وتفترق وتسفك الدماء. Hein? Lorsqu'ils ont caché certaines sciences, ce n'était pas par crainte pour eux-mêmes en vérité, mais c'était par crainte pour la communauté. Par crainte pour la communauté qu'elle soit touchée par des troubles et des problèmes, et que le sang soit effusé, qu'il y ait des effusions de sang dans la communauté musulmane. El Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala, إذن يذكرنا بنعمة العلم فاذكر نعمة العلم واحرص على طلب العلم واستمر على طالب العلم وارحل إلى طالب العلم. إلى أن تموت. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé le bienfait de la science. C'est pour cela que nous devons nous efforcer de l'apprendre. Et nous devons persister là-dedans. Persister dans l'apprentissage de la science. Et endurer les épreuves. Et même s'il faut voyager, s'il faut voyager pour aller apprendre la science, eh bien nous devons le faire. Et ceci est la reconnaissance. Ceci fait partie de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de la science que nous encourions hein, ou nous nous concurrencions pour apprendre la science. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.